Bonjour à toutes, bonjour à tous et même bonsoir aux auditeurs de Radio Guémozo. Vous êtes sur le 107 FM dans l'émission L'heure des loups, le direct de 18h-19h. Et nous sommes ce soir en présence d'Élodie Derdel du musée des Mille et Une Racines. Bonsoir Élodie. Bonsoir. Alors bienvenue à Radio Guémozo. Bon, quoique vous êtes une habituée, il me semble. Hein. Ah oui, je crois que c'est la quatrième fois que je viens vous voir. Et toujours avec plaisir. Ah bah certainement, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire au sujet de votre musée et de votre association, parce que le musée des Mille et Une Racines est une association. Et on est là pour l'heure qui va venir pour parler de l'association et aussi et surtout de l'exposition qu'il y a en ce moment même. Oui, exactement. On va peut-être d'abord retracer rapidement, pour les non-habitués, l'historique rapide du musée des Mille et Une Racines, si vous le voulez bien. Oui, donc le musée des Mille et Une Racines se trouve à Cornimont et expose les œuvres d'un artiste ouvrier qui est décédé en 2014. Alors c'est Michel Maurice, il allait en forêt ramasser des branches, des souches d'arbres, des racines. Et à partir du mouvement naturel de ces bouts de bois, eh bien, il confectionnait soit des personnages, soit des fleurs ou tout autre sujet. C'était donc un artiste qu'on peut cataloguer d'artiste art brut ou art populaire. On parle également de plus en plus d'une nouvelle notion de création franche. Donc... Il fait partie de ces quelques centaines d'artistes qui n'ont pas eu de formation artistique et qui néanmoins sont désormais reconnus. Vous venez d'évoquer des termes qui me sont un petit peu inconnus, hein, art brut, art populaire et j'ai oublié le troisième. Création franche. Voilà, création franche. Est-ce que vous pouvez, pour moi et certainement pour les auditeurs à qui on fait un petit coucou comme d'habitude, nous expliquer en fait ces termes-là qui sont peut-être inconnus? On en parle depuis déjà quelques décennies et ça revient en force. En fait, vous avez des artistes spontanés qui n'ont pas suivi de cursus académique, qui n'ont pas appris à être peintre, à être plasticien, mais qui sont donc des artistes spontanés. Alors, l'un des artistes les plus connus, c'est le fameux facteur Chevral dans la Drôme, qui avait fait un palais magnifique, unique en son genre, alors que c'était un modeste postier. Et donc, depuis la fin du 19e siècle, on a répertorié à peu près plusieurs centaines d'artistes spontanés, qui sont pour la plupart d'origine modeste. Ce sont vraiment, comme je vous disais, des postiers, des ouvriers, des maçons. Oui. Des créateurs très originaux, qui peuvent passer pour des originaux, voire des fous, des doudingues. Et donc Michel faisait partie de cette catégorie d'artistes spontanés. Certains d'ailleurs, surréalistes, reconnaissaient ces artistes-là en disant « mais ce sont des artistes à part entière, il ne faut pas les mépriser ». Alors on parle aussi d'art populaire parce qu'ils sont issus des classes populaires. Et aujourd'hui on parle également de création franche. C'est la même idée, c'est l'idée que la création est libre, franche au sens de libre. Oui. Et il y a justement, près de Bordeaux, un musée qui est dédié à ces artistes. Et il y a même une revue spécialisée, éditée par ce musée, qui s'appelle Création franche. Et actuellement, il y a un chercheur qui s'intéresse beaucoup à ce phénomène, il s'appelle Bruno Montpied, qui a... publié récemment, fin 2017, un ouvrage, une somme, hein, où il a recensé tous ces artistes bruts, parmi lesquels des pages sont consacrées justement à Michel Maurice et à notre musée. Donc il est reconnu en tant que tel. Et donc on va revenir à Michel Maurice et du musée des Mille et Une Racines. C'est une question un peu bête, mais j'imagine que le musée des Mille et Une Racines ne s'appelle pas comme ça pour rien. Non. Alors, c'est une collection qui est très importante parce qu'il a commencé très jeune, en 1957, et il a accumulé ses racines, ses plus belles pièces, il ne voulait pas les vendre. Et donc, évidemment, au bout de 57 années d'activité, vous avez atteint largement le score de 1000. En réalité, il y a 1443 œuvres répertoriées. Ah oui, quand même. Et un bon millier sont exposées au musée. Et parmi ces milliers, est-ce qu'elles sont toutes exposées uniquement au musée à Cornimont ou il y en a des qui sont exportées ? Non, elles sont toutes exposées au musée de Cornimont. Michel, justement, ne voulait pas que sa collection parte à droite et à gauche. Il était très suspicieux lorsqu'on lui parlait d'exposition temporaire quelque part. Ceci étant dit, nous avons été approchés par l'ICN, l'école de commerce de Nancy, qui est adossée à l'Artem. C'est un projet en lien avec l'école des mines et l'école de design. Et donc, il serait question de concevoir une exposition de Michel Maurice à Nancy. Et donc, à titre exceptionnel, nous réfléchissons à cette proposition. Et ce n'est que du conditionnel, mais vous ne savez pas encore quand elle pourrait avoir lieu ? Non, pas encore, mais les discussions sont en cours. Il faut savoir que ces élèves ont des projets concrets à réaliser. Et notamment, pour ceux qui s'intéressent au monde artistique, l'un des projets, c'est justement d'organiser une exposition temporaire et de choisir un artiste original. Et ils sont très intéressés par les œuvres de Michel Maurice parce que justement, ils voudraient mettre en avant l'art brut et s'associer également avec la faculté de lettres de Nancy, qui s'intéresse également à ces artistes originaux. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas trop posé la question, ça semble évident aussi. Et il me semble, on le voit aussi sur Internet, hein, pour nos auditeurs, cette collection de racines est aussi un petit peu travaillée. C'est pas juste une collection brute de racines, je crois. Voilà, elles sont travaillées, mais pas trop. Parce que Michel n'était pas un authentique sculpteur. Le sculpteur, lorsqu'il a un bloc de bois ou de pierre, ou de toute autre matière, c'est d'avance ce qu'il va créer. Il fait souvent même une petite maquette avant de se lancer. Tandis que là, Michel se laissait vraiment aller par le mouvement naturel du bois. Et donc, moins il travaillait cette pièce, mieux c'était. Il évitait d'ailleurs de juxtaposer différents morceaux pour éviter des compositions trop élaborées. Et c'est vrai que c'est un art très naturel, il me semble, qui est présenté par le musée. Mais là, on vient de parler de la collection permanente. Mmh. Le musée des Mille et Une Racines et même l'association ne propose pas qu'une collection permanente, mais aussi des collections temporaires, c'est bien ça ? Exactement, puisque le créateur n'est plus. Il faut également que nos habitués puissent bénéficier d'autres œuvres. Et donc, nous faisons régulièrement appel à d'autres artistes, qu'ils soient photographes ou sculpteurs ou illustrateurs. On espère aussi que nous aurons des céramistes, des peintres à l'avenir. Donc, de présenter une exposition. C'est ainsi que nous dédions un espace pour eux. Et nous organisons désormais des vernissages pour ouvrir solennellement cette exposition temporaire. D'accord. Et ça fait longtemps, en fait, que le musée propose des expositions temporaires ? Oui, pratiquement depuis le début. On a commencé avec Sylvain Mangel, photographe naturaliste. C'était 5 mois après l'ouverture du musée. Et depuis, nous continuons. Nous avons même exposé des œuvres du Festival de la sculpture de la Bresse. D'accord. De sorte que les visiteurs sachent que courant mai, il y a justement ce festival. Donc ça permet de communiquer, de faire connaître ce festival à des personnes qui ne le connaîtraient pas. Donc oui, c'est aussi une autre forme de communication, de médiatisation entre artistes ou entre œuvres artistiques. Mmh. Et donc vous avez dit, donc le musée a ouvert ses portes en 2016, si je ne me trompe pas. Donc 2 ans après le décès de l'artiste auquel le musée est dédié. Et vous avez dit régulièrement des artistes, des intervenants externes temporaires. Voilà, nous avons eu entre autres Richard Brionne, l'auteur de L'amour d'une Vosgienne. Donc il a exposé des photos de nos belles vaches. Et on a eu également Olivier Claudon, avec qui nous travaillons régulièrement, un célèbre illustrateur. Et puis là, depuis quelques semaines, nous travaillons avec Sandrine Brunner, une photographe. Et pas n'importe quel photographe, hein, bien sûr, vu que j'imagine que vos intervenants externes, vos invités, en fait, ne sont pas, ce sont des artistes qui travaillent dans une certaine branche, ou comment dire, non, pas qui travaillent dans une certaine branche, vu que vous avez dit, vous avez des illustrateurs, des photographes, mais qui ont un sujet bien particulier qui rentre, je pense, dans les clous du musée. Tout à fait. Sandrine, en l'espèce, nous propose une très belle exposition de photographies en noir et blanc, intitulée « D'arbres et d'écorces ». Donc évidemment, une telle exposition avait vocation à être exposée chez nous. Alors, pour la petite histoire, nous avons fait connaissance avec Sandrine via les réseaux sociaux. Souvent, on dénigre les réseaux sociaux, mais parfois, il y a du bon. Oui. Donc, on avait pu, grâce à un photographe, faire connaissance avec Sandrine. On voyait ses photographies, on les appréciait beaucoup, et donc on a lancé une invitation, on l'a rencontrée, on a discuté, et ça a matché, comme on dit. Donc pas de problème, Sandrine est venue, elle était ravie, parce qu'en réalité, c'est sa toute première exposition. Ah oui, donc son exposition chez vous, c'est vraiment sa toute première, c'est la première fois que le public voit voir ses œuvres. Oui, et lors du vernissage, certaines personnes étaient venues de Meurthe-et-Moselle et de Moselle. Elle-même est originaire de Meurthe-et-Moselle et elle a eu, si je puis dire, en tout bien tout honneur, quelques touches pour exposer à Metz. Donc ça a porté ses fruits, elle est ravie. Ouais, c'est une très très bonne nouvelle pour elle. D'ailleurs, ça tombe bien parce que c'est une question que je comptais vous demander, comme Sandrine Brunner ne vient quand même pas d'à côté. Hein. Vous n'avez pas non plus un secteur de prédilection pour choisir vos artistes. Hein. Non. On est ouvert. Ce qui compte, c'est bien sûr qu'il y ait une empathie, une complicité entre l'artiste et nous. On ne va pas exposer des personnes avec qui nous ne pouvons pas travailler parce que ça ne répondrait pas à notre éthique, par exemple. Donc c'est vrai que tout ce qui tourne autour de la nature, la défense de l'environnement, la faune, la flore, et puis aussi l'art brut, parce que pour l'instant nous n'avons pas eu encore d'exposition d'art brut, mais pourquoi pas. Donc il faut qu'il y ait un lien avec le musée des Mille et Une Racines. Et bien évidemment, on est ouvert à tous. D'accord, donc quel qu'il soit, ça ne se limite même pas à la France en soi. Peut-être qu'un jour nous aurons la chance d'exposer un artiste étranger, moi ça ne poserait aucun souci. Ah ben ça pourrait être une bonne chose, mais c'est déjà une bonne chose de mettre des artistes qui sont pas, je pense, pas forcément connus dans le secteur. Hein. Mmh. En avant, et surtout, encore une fois, que ça reste dans une même continuité de présenter des travaux en lien avec la nature, d'arbres et d'écorces. Oui, pour le musée des Mille et Une Racines, c'est dans le thème. Et oui, ce que je voulais vous demander, oui, Sandrine, elle ne fait que de la photo ? Non, alors, elle accompagne ses photographies de très beaux textes. Elle a d'ailleurs une très jolie plume. Et c'est un hymne à la nature à chaque fois qu'elle nous dresse. C'est magnifique. Franchement, c'est une poète, mais non pas en vers, mais en prose. Et vraiment, elle invite à admirer la nature. Ce qui est remarquable, c'est que ces photographies pourraient être banales, parce que les sujets, ce sont des arbres tout simples, de la nature, de la campagne meurthe-et-mosellane, ce n'est pas nos belles grandes forêts. Oui. Donc elle va se balader, elle voit un bel arbre, elle le photographie, mais elle arrive à le magnifier, parce que nous on peut faire des photos de ces arbres, ça ne rendrait pas du tout le même effet. Donc elle a ce talent, elle a vraiment ce talent de montrer de l'arbre dans toute sa magnificence, c'est fantastique. Et justement, elle invite pas simplement à voir la nature, mais vraiment à la regarder, à la contempler, et se dire que finalement, même si on habite dans un coin qui pourrait paraître absolument banal, commun, eh bien, on trouve toujours quelque chose de magnifique. Donc elle veut ouvrir vraiment un autre regard sur le monde qui nous entoure.

c'était Le Sud de Nino Ferrer. Vous êtes toujours sur Radio Guémozo 107 FM dans l'émission L'Heure des Loups. Je crois qu'à cet instant, il y a un petit air de nostalgie qui a soufflé dans nos locaux et je pense même à travers les ondes radio. Nous sommes toujours avec Élodie Derdel du Musée des Mille et Une Racines et nous parlons en ce moment de l'exposition temporaire du musée des Mille et Une Racines intitulée D'arbres et d'écorces avec une photographe et une personne qui écrit aussi, c'est Sandrine Brunner. Voilà. Alors l'exposition se continue jusqu'au 14 mai. Oui. Mais je tiens à signaler aux éditeurs qu'il faut faire attention parce que exceptionnellement notre musée va fermer bientôt ses portes pour 2 semaines. On fait toujours une pause à l'automne et une à la sortie des vacances d'hiver pour réaménager le musée. Et donc le musée sera fermé vendredi de cette semaine. Donc d'accord. Le vendredi 11 mars, nous serons fermés et puis nous rouvrirons, vendredi 9 mars, oui. Et nous réouvrirons donc nos portes le 26. Donc le musée est fermé du 9 au 26 et en dehors de cela, quels sont, je ne sais pas si vous connaissez à peu près les horaires d'ouverture du musée. Alors, si quelqu'un cette semaine, il est ouvert tous les jours jusque vendredi inclus. D'accord. Et lorsque nous ne sommes pas en vacances scolaires, je dis bien la France entière, hein, on prend en compte toutes les zones, nous sommes ouverts tous les jours, sauf le mardi. D'accord. Donc nous sommes ouverts les samedis et dimanche, donc ça peut intéresser les auditeurs qui habitent dans les environs, c'est-à-dire que nous sommes ouverts le samedi dimanche, et quand il y a par exemple un temps de pluie, eh bien certains aiment venir justement au musée, accompagner leur famille ou de leurs amis, c'est l'occasion de faire connaître le musée. Pour admirer les œuvres de Michel Maurice et de Sandrine Brunner. D'ailleurs, oui, vous avez dit, hein, il y a une collection de plus de 1000 racines de Michel Maurice. J'imagine qu'il faut quand même beaucoup de place pour tout ça. Oui, alors on a environ 500 mètres carrés à disposition, oui, sur un seul niveau. Donc ça, c'est très pratique. D'ailleurs, nous avons le label Tourisme Handicap, puisqu'on peut venir donc en fauteuil, en poussette, il n'y a aucun souci. L'avantage également, c'est que le musée est très grand en raison de la hauteur de ses plafonds. C'est une ancienne usine textile. Ah, c'est intéressant ça. Donc, grâce à ça, nous pouvons jouer sur les volumes. Chose que nous ne pouvions pas faire précédemment dans l'ancien musée. Parce que l'ancien musée était un bâtiment plus moderne. L'ancien musée, en réalité, était plus récent, mais moins moderne, paradoxalement, puisque c'est un musée que nous avons monté en famille, donc Michel, ses enfants et ses amis, sur 9 années. Il a été inauguré en 1986, mais nous avons eu beaucoup de visiteurs, plusieurs milliers de visiteurs, et à force, eh bien, nous n'étions plus du tout aux normes. Il faut dire aussi que les normes des établissements recevant du public se durcissent. Oui. Il est de plus en plus difficile de se conformer à ces normes. Ça peut d'ailleurs se comprendre, puisqu'il faut faciliter l'accessibilité. Bien sûr. Il n'empêche que pour Michel, qui travaillait sur fonds propres, il était impossible matériellement, financièrement, de remettre en état ce musée. D'accord. Il devenait fétuste, et notamment à l'étage, le plancher ne tenait plus. Oh oui, ça c'est plutôt une source de danger. Donc on a eu une sorte de petit miracle. Pendant tout ce temps, il n'y a jamais eu d'accident. Ça c'est... Mais Michel avait bien conscience à la fin de sa vie qu'on ne pouvait pas réhabiliter le site, sinon il aurait fallu le fermer sur plusieurs années et cela aurait coûté fort cher. Donc la solution de sagesse, c'était de transférer le musée dans un autre lieu à Cornimont. Ce qui compte, c'est pas tant les murs, oui, que le contenu. Dans la boîte à bijoux, c'est pas la boîte qui compte. Ce sont les bijoux qui sont à l'intérieur. Donc voilà, il a compris que ce n'était pas la peine de s'acharner à maintenir cette structure qui n'avait pas non plus de caractéristiques architecturales propres. Oui. Et donc aujourd'hui, c'est devenu un hangar, tout simplement. D'accord, d'accord. Et maintenant, j'imagine que l'ancien... l'ancienne usine textile doit donner aussi un certain cachet au musée. Alors, nous avons fait aménager l'intérieur exprès. Donc, au départ, lorsque nous avons visité les lieux, ce n'était qu'une charpente, des tuiles et des parpaings nus. Il n'y avait même pas de carrelage. Donc, les travaux ont été faits pour le musée, pour oui. l'adapter au musée, à la circulation des visiteurs, à leur sécurité, et puis aussi à la mise en valeur des œuvres. Donc, oui. l'aménagement intérieur du bâtiment a été fait autour de notre projet artistique. D'accord. Et d'ailleurs, tant que j'y pense, le musée, donc vous avez dit, le musée qu'on le connaît actuellement est ouvert depuis 2016. Vous avez dit qu'il y en avait un autre qui existait depuis les années 80, si oui, je me trompe pas. Les années 86, il y a encore d'autres avant. Au tout départ, Michel exposait ses œuvres dans un immense tonneau à vin. Ah, ça doit voilà, être quelque ça chose. Ça ressemblait à une petite cabane. D'ailleurs, plus tard, c'était la cabane des enfants de Michel. Jouait à l'intérieur. Donc c'était un gros tonneau que les enfants de Cornimont connaissaient bien dans les années 60. Et puis évidemment, il a fallu changer d'ampleur, de lieu. Donc il a fait faire un bâtiment en dur dans les années 60, dans la cour de sa maison. Alors c'était une salle d'exposition, mais pas suffisamment grande, et Michel a réuni un conseil de famille et a dit voilà, il faut vraiment que je puisse exposer toutes mes œuvres, parce que certaines d'entre elles étaient déposées chez d'autres personnes, oui. en dépôt, hein, tout simplement, comme un garde-meuble, et donc il trouvait idiot de ne pas pouvoir les exposer, les montrer au public. Donc, comme c'était un modeste ouvrier textile qui n'avait pas de fonds propres pour ériger... En 2 ans à musée, eh bien, il s'y attelait lentement mais sûrement. Ça a mis 9 ans. Hein, donc on l'a aidé à maçonner, on a fait le manœuvre avec lui pour ériger ce musée. Donc il a, quand on dit que c'est le créateur et le fondateur du musée des Mille Racines, c'est vrai, puisqu'il a même maçonné les murs de son musée. Oui, il y a peu de créateurs qui peuvent dire « j'ai aussi créé les murs ». Oui, c'est vrai que ça devait faire quelque chose aussi. Au... Alors si, il y en a un, je pense à ça, c'est bien sûr Francis Cuny. Ah oui. Voilà, qui salue à Francis. Donc lui aussi a fait son créé son lieu. Bah, en tout cas, c'est quelque chose de rare, visiblement, de créer le musée qui sera dédié à nos propres œuvres. Mm. J'imagine que c'était vraiment le travail de toute une vie pour Michel Maurice. Bah, vous avez dit, hein, il y a mis sa sueur et son sang dans les murs de ses anciens bâtiments. Et il n'a peut-être pas vu le nouveau parce qu'il nous a quittés en 2014. Mmh. C'est quand même récent, hein, ça fait 4 ans cette année. Oui. Bon, après, il a laissé quand même une collection très très riche derrière qui doit, je l'imagine, attirer beaucoup de monde. Oui, nous avons la chance d'être dans une région touristique, dans un secteur très fréquenté, sur la route qui mène à la Bresse. Donc, nous avons des visiteurs qui viennent essentiellement du Grand Est, mais aussi de Belgique, du Luxembourg et d'Allemagne. Ça fait quand même un sacré secteur. Enfin... Oui, c'est un bon rayon. Et puis, comme on dit, vive les Belges. Ce sont vraiment des très, très bons visiteurs. C'est des gens qui adorent le musée parce que le côté surréaliste, naïf, leur rappelle leur propre culture. Eh bien, nous saluons nos amis belges en espérant qu'ils nous écoutent à l'heure actuelle. Oui. Et j'ai envie de passer une deuxième parenthèse musicale que vous aviez proposée, faire une petite transition entre la chanson du Sud, surtout la fin de la chanson du Sud et la nouvelle. Oui, c'est vrai que c'est un hasard, vous m'aviez demandé la programmation musicale, j'avais un petit peu de nostalgie et puis c'est vrai que ce matin en voyant le soleil, je me suis dit tiens, j'écouterai bien le Sud de Nino Ferrer. Et à la fin, il conclut sa chanson en disant « Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'il y ait la guerre ». Et puis la seconde chanson que j'ai choisie, c'est « Mouloudji, le déserteur » de Boris Vian, où ben, lui, justement, il n'a pas envie de faire la guerre. Eh bien, c'est sur cette note-là qu'on fait notre petite parenthèse musicale et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. Messieurs qu'on nomme grand, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour aller à la guerre avant mercredi soir. Messieurs qu'on nomme grand, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, les guerres sont des bêtises, le monde en a assez. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir des pères, j'ai vu partir des frères et pleurer des enfants. Les mères ont tant souffert et d'autres se gobergent et vivent à leur aise malgré la boue, le sang. Il y a des prisonniers, on a volé leur âme, on a volé leur femme et tout leur cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte, au nez des années mortes, j'irai par les chemins. Je mendierai ma vie sur la terre et sur l'onde, du vieux au nouveau monde, et je dirai aux gens, profitez de la vie, éloignez la misère, nous sommes tous des frères, gens de tous les pays. S'il faut verser le sang, allez verser le vôtre, messieurs les bons apôtres, messieurs qu'on nomme grand. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer, et qu'ils pourront tirer. Et vous êtes de retour sur Radio Gemozo 107 FM dans l'émission L'Heure des Loups. Donc c'était Le Déserteur interprété par Marcel Mouloudji, selon les textes de Boris Vian, c'est bien ça? Voilà, donc Mouloudji avait interprété cette chanson, mais il y avait une petite divergence avec Boris Vian. Boris Vian l'a également interprété, mais à la fin il y a une petite variante puisqu'il dit... vous pouvez emmener vos gendarmes, mais je vous préviens que moi aussi je sais tirer. Et que je pourrais tirer. Oui. Tandis que Mouloudji a dit, si les gendarmes viennent, en gros, ils pourront tirer. Mais lui, évidemment, sous-entend qu'il ne répliquerait pas. Oui, il sera voilà, pas donc armé. Il y a des petites choses qui changent. Et puis, Le Déserteur fait penser à la jeunesse de Michel, puisqu'il est parti en Algérie, effectuer son service militaire. Mais c'était non pas un déserteur, puisqu'il... Il a accompli son devoir, mais ce n'était vraiment pas quelqu'un qui était porté sur le métier des armes. C'était déjà un poète. On lui a appris à tirer, il était piètre tireur. On s'est dit, oh ben, on va te mettre à convoyer tes camarades. Tu vas passer le permis de conduire, tu vas apprendre. Il était incapable de conduire un camion. Alors de guerre lasse, ils l'ont affecté aux messes des officiers, où il a fait beaucoup moins de dégâts. Et finalement, ça a eu du bon. Pourquoi ? Parce qu'il avait du temps. Et il était dans une région qui était très jolie, qui s'appelait à l'époque Rio Salado. Il paraît que depuis, la région a changé de nom. Et c'était une région viticole. Et c'est là qu'est venu le déclic des racines. C'est en voyant les ceps de vigne et leur mouvement tortueux qu'il s'est mis à travailler le bois. Donc voilà, c'est un hommage. Mouloudji, ça me fait penser évidemment à Michel parce qu'il aimait beaucoup cet artiste, c'est sa génération. Et puis ça rappelle aussi l'Algérie, indirectement. Ah bah c'est, comment dire, c'est très instructif, hein. En tout cas, c'est merci pour ce commentaire, hein, qui semblait vraiment vous tenir à cœur et je comprends. Si vous avez envie de réagir, hein, chers auditeurs, vous pouvez toujours nous écrire sur la page Facebook de Radio Gémozo ou nous appeler au 03 29 62 40 40. Hein. Toute question, tout commentaire de votre part sera le bienvenu. En tout cas, voilà, je suis toujours avec Élodie Derdel du Musée des Mille et Une Racines pour parler, en fait, on a déjà, je pense, beaucoup parlé du musée, de la structure, un petit peu de l'architecture, enfin, que c'était une ancienne usine textile. On a parlé aussi de l'exposition. Oui, de l'exposition permanente. Ça y est, je cherchais le mot permanente, en fait, dans ma tête. Et on a aussi parlé de l'exposition temporaire, hein, c'est ce pourquoi vous êtes là, l'exposition d'arbres et d'écorces de Sandrine Bronner qui est en place en fait dans vos locaux du 11 février, donc déjà il y a bientôt un mois, jusqu'au 14 mai. D'ailleurs, l'exposition de Sandrine aussi a eu son petit succès. Oui, il y a des... Elle a ses connaissances, des personnes qui viennent de Meurthe-et-Moselle, donc c'est toujours un plus. Et puis, nous avons également attiré de nouveaux médias. Vosges Télévisions va passer cette semaine, faire un reportage. Et puis, le mois prochain, France 3 Lorraine viendra dans nos murs pour justement faire un reportage sur le musée et sur l'exposition de Sandrine. Donc, ça permet malgré tout d'attirer des médias, y compris du Grand Nancy. Ah bah bien sûr, bah d'ailleurs c'est une très bonne chose, hein, de faire se déplacer du monde de Nancy jusqu'ici. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc Sandrine fait de la photo, et est-ce que vous pouvez peut-être donner envie aux auditeurs en décrivant un petit peu son travail, si c'est possible? Si c'est possible, alors là je ne suis pas très douée pour ce genre d'exercice. Donc ce sont des photographies numériques en noir et blanc. Évidemment avec des effets qui sont propres, où on voit notamment le caractère merveilleux de l'arbre et le lien entre la terre et le ciel. Donc c'est un appel à la contemplation. C'est original. Bien sûr, vous avez d'autres formes photographiques en noir et blanc, mais elle a sa propre signature. Si je voyais d'autres photographies en noir et blanc, je pense que je repérerai tout de suite les photos de Sandrine. Et puis, grâce à cette collaboration, nous l'avons mise en relation avec un photographe, Marc Fulgoni, de la Bresse, qui a effectué les tirages. Et Marc, qui est un professionnel, a souligné la qualité de son travail, la qualité de Sandrine. Et puis, en retour, également, on peut saluer la qualité du tirage effectué par Marc, parce que un photographe, c'est un artiste, c'est aussi un technicien, oui. C'est un homme du métier, et faire un tirage de qualité, ce n'est pas si évident que ça, et là vraiment les tirages sont magnifiques. Oui, bien sûr, rendre justice à la qualité de la technique pour la prise de la photo, oui, tient aussi dans la qualité d'impression, le choix du papier, de l'encre, de si la finition est mate, grumeleuse ou satinée. Voilà, exactement, satinée. Vous avez tout compris. Et ça, c'est très important, parce qu'on pourrait dire, oh, ben, j'ai fait une belle photo, mais si le tirage, l'impression n'est pas bonne, évidemment, ça disqualifie le travail. Donc, oui, il faut être à la hauteur de l'artiste. Ah, bien là, sûr. Marc est à la fois photographe, donc il a l'œil, il sait ce que c'est qu'une photographie, mais il sait aussi, puisque c'est son métier, faire des tirages. Donc c'est aussi l'occasion de mettre en avant des artisans locaux, oui, et de dire, eh bien oui, il n'y a pas que les services sur Internet, on a également des artisans, des techniciens qui sont là et qui savent aussi conseiller, parce que il n'y a rien de tel que le rapport humain et le fait de discuter entre artistes. C'est vrai que c'est bien de le savoir qu'à l'ère où tout se fait sur Internet, on peut encore trouver quelqu'un pas très loin de chez soi qui saura peut-être mieux nous conseiller qu'une plateforme à distance. Oui. Je pense, oui, c'est très bien que vous le souligniez, hein, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'important de nos jours, hein, de vraiment mettre en avant, comment dire, le réseau local, hein, et de le faire fonctionner. Je voulais vous demander aussi, entre autres, est-ce qu'il y a parmi les œuvres de Sandrine une qui vous a vraiment marqué, impressionné, qui a vraiment laissé comme une marque indélébile sur vous ? Il y a une photo que j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas d'où elle a pris cette photo. Elle est visiblement en hauteur. Et l'arbre, c'est un vieil arbre, il est très grand et il est courbé. Mais vraiment courbé. On pourrait penser qu'il y a une tempête qui l'a définitivement courbé. Cet arbre, il est vraiment magique. Il a quelque chose. Et puis, il y a une autre photographie qui sort du lot, enfin, de ce qu'elle fait traditionnellement. C'est une photographie, cette fois-ci, en forêt, oui, avec une lueur magnifique. Et on dirait que les lutins vont bientôt sortir derrière cet arbre. Voilà, il y a une magie. Oui, vraiment une dimension magique rendue possible par la photographie. Voilà. Et sans, j'imagine, oui, sans qu'elle ait rajouté des lutins par ordinateur. Non, c'est pas du tout. Ah, non, non. Non, non. Non, non, c'est pas kitsch du tout. Hein. C'est vraiment un très, très beau tirage, une belle photo. Et puis, il y a aussi une belle photographie d'un arbre. Et au loin, on voit un village, une petite église. C'est vraiment un portrait campagnard. Très, très beau. On ne voit, je précise que sur aucune photographie de Sandrine, on ne voit d'êtres humains. Il n'y a aucun être humain. C'est vraiment la nature. Oui. Ah, c'est intéressant et j'espère que ça a donné envie aux auditeurs d'aller faire un petit tour au musée qui est, je le rappelle, alors là on est en période de vacances donc il est ouvert tous les jours sauf le samedi de 10h à midi et de 14h à 18h. En dehors des temps de vacances, il sera ouvert tous les jours aux mêmes horaires sauf le mardi et il sera en vacances, hein, il sera fermé en ce moment du 10 au 25 mars inclus. Et puis on vous trouve à Cornimont, on vous trouve où exactement ? Alors, là c'est la question, la question qui fâche, parce que nous pensions que nous étions faciles à trouver, car nous sommes sur le même axe routier que précédemment. Donc nous sommes situés entre Cornimont et La Bresse, sur la route dite de Lens-Souchamp. Et donc, nous sommes vraiment à mi-chemin entre la sortie d'agglomération de Cornimont, au niveau de la maison de retraite, oui, et l'entrée de ville de La Bresse. Hein, vraiment au milieu. Et quand nous sommes sur Cornimont, que nous montons vers La Bresse, eh bien, nous sommes à gauche de la route, dans un secteur qui est dédié à des cellules commerciales. Oui. En face de notre établissement, il y a le Petit Bichon, producteur de miel, et puis un club, discothèque qui s'appelle la Grange. Ah oui. Voilà, oui. Eh bien on est juste en face de la Grange. Ah bah pour ceux qui connaissent la Grange, ils sauront où vous trouvez. Mais les horaires d'ouverture ne sont pas du tout les mêmes. Non, c'est pas faux, mais ça permettra de passer vraiment toute la journée dans le secteur. Voilà, mais la Grange, on la voit bien. Oui. Ah, ah oui, la Grange, elle est connue. Elle est là au moins, si je dis à des jeunes gens la Grange, c'est en face, c'est bon, ils trouveront. Voilà, et là j'en suis persuadée, hein, je pense que les automobilistes qui sont passés par la route maintenant situent, hein, même rien que les usines textiles sur le côté de la route, hein, même moi je les avais vues, hein, je ne savais pas que c'était encore en fonctionnement, mais je pense que les auditeurs et moi maintenant, on saura très bien où aller. Surtout que bah, maintenant, on a un repère, comment dire, bien connu, hein, parce que la Grange, il me semblait que la Grange avait fermé à un moment. Bah, la Grange est ouverte, hein, donc voilà. En tout cas, le bâtiment, on le voit bien. Oui, on ne peut pas le louper. Le nom, la Grange, on ne peut pas le manquer. Donc là, franchement, On doit trouver. On doit certainement trouver. Donc, on parle toujours du musée des Mille et Une Racines, donc qui se trouve à mi-chemin entre la Bresse et Cornimont. L'exposition de Sandrine n'est pas éternelle dans vos locaux. Elle est jusqu'au 14 mai. Est-ce que vous avez déjà prévu peut-être la personne qui prendra sa succession, en gros? Oui. Alors, ce sera Pascal Collin, qui est photographe amateur, et il photographie essentiellement des animaux de la campagne. Et donc, nous l'avons rencontré et on s'est mis d'accord sur un thème. En fait, ce sont les animaux à poils de nos campagnes. Voilà, donc les écureuils, les petits renards, ce genre de choses. Ah oui, vraiment la faune locale. Voilà, mais commune. Vraiment des petits animaux de nos campagnes. Alors, il n'est pas des Hauts-de-Vosges, il est des Vosges néanmoins. Et donc, il nous a montré ses photos, elles sont vraiment sympas. Et c'est bien parce qu'il va prendre la suite de Sandrine. Et généralement, en juin, nous avons beaucoup de scolaires qui viennent au musée. Donc, finalement, l'exposition de Pascal va plaire les petits qui viendront faire leur sortie scolaire au musée, ainsi que les familles qui viendront en juillet, août avec leurs petits. Donc voilà, ça, je pense que ça va beaucoup plaire aux enfants. Donc l'association à suivre de Pascal Collin va faire en gros tout l'été. Voilà. Et j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Donc si, ça va commencer donc dès le 15 mai ou un tout petit, il y a un petit laps de temps. Il est possible qu'il y ait quelques jours de battement, mais sans plus. Voilà. D'accord, donc ça s'enchaîne assez rapidement. Oui, ça devrait s'enchaîner assez vite, surtout que nous avons l'habitude des expos photos, nous avons les cadres, nous avons tout ce qu'il faut. Nous sommes bien équipés, donc les artistes savent que les tirages seront de qualité, les cadres, la mise en valeur. Donc tout ça, on s'en occupe. Et on fait généralement une convention avec les artistes invités. Oui. Voilà, donc c'est pas comme ça, au petit bonheur la chance. Tout est cadré, calibré entre nous. Et ça traduit, je trouve, vraiment une volonté du musée d'avoir vraiment toujours au moins quelque chose que les habités puissent à chaque fois découvrir. Tout à fait. Nous avons quand même 80 adhérents. L'intérêt d'adhérer à notre musée, enfin à notre association, c'est justement de bénéficier de l'entrée gratuite systématique pour l'année, et puis également de bénéficier de réductions sur les animations que nous proposons par ailleurs. Parce que le musée propose des animations? Oui, c'est déjà arrivé que nous fassions un concert, la nuit au musée. Bon, cette année, nous ne ferons pas la nuit au musée parce que nous avons d'autres projets. Mais effectivement, on fait des animations et là, on va rediscuter avec le club vosgien pour continuer notre partenariat au cours de cet été. Ce que nous proposons, c'est une visite guidée du musée, suivie d'une balade à proximité, donc en forêt, une balade accompagnée en famille avec le club vosgien. Ah oui, donc ça tombe bien vu que c'est une question que j'allais vous poser. Le musée fait aussi des partenariats inter-associations. Ah tout à fait, oui, et on continue. Nous avons aussi, nous sommes également partenaires d'une association qui vient de se créer à Cornimont qui s'appelle Semeur d'Histoire, donc créée par des enseignantes ou ex-enseignantes qui veulent mettre en avant les contes, l'écriture. Et donc, elles ont érigé un projet en lien avec le parc naturel des Ballons. Et il s'agit de mettre en avant les plantes sauvages. Donc, il y a d'autres partenaires. Et au musée, nous allons accueillir des élèves qui vont confectionner leur propre presse-fleur pour créer leur herbier. Donc, ils vont créer leur presse-fleur et ensuite, ils iront dans la nature chercher des fleurs. Et ils pourront ainsi constituer leur herbier. Ah, en plus, il me semble que les enfants aiment bien constituer leur herbier quand ils sont petits, aller ramasser des fleurs et les presser entre les pages d'un annuaire. Ça, voilà, mais là, ils vont vraiment. On a trouvé un système de. Donc, ils vont vraiment confectionner avec nous, dans notre petit atelier du musée, parce qu'on a, une petite pièce, c'est le bureau, où on peut, qu'on peut utiliser comme atelier. Donc on va accueillir les enfants, et puis d'autres associations vont prendre le relais, notamment le Club Vosgien, pour aller en forêt et, ou dans les sentiers chercher des petites fleurs. Et lors des journées du patrimoine, la restitution de tous les travaux qui ont été faits dans ce projet se fera lors des journées du patrimoine, mi-septembre, au musée. D'accord, la restitution de ce que les enfants ont fait. Voilà, des photographies qui ont été faites, des recettes faites à partir des plantes sauvages, etc. etc. Donc tout sera réuni à ce moment-là. Ah ben c'est fascinant, c'est passionnant. J'aurais bien envie d'en écouter plus, mais je vois que l'heure tourne et on va peut-être passer la dernière pause musicale. Vous aviez proposé Red and Black Light, qu'on prononce bien, par Ibrahim Malouf. Vous avez dit que c'est un morceau à la trompette. Voilà, Ibrahim Malouf est un des plus grands trompettistes contemporains. Il a composé notamment des musiques de films, et le morceau que je vous propose, c'est le thème principal du film « Dans la forêt de Sibérie », qui est inspiré d'un roman de Philippe Tesson. Non, pas Philippe, c'est le fils de Philippe Tesson, j'ai oublié son prénom, enfin peu importe. Mais c'est tiré d'un roman, le film a eu un certain succès. C'est Raphaël Personnas qui jouait le rôle principal d'un homme qui part en Sibérie, vivre seul, et puis il va... affronter l'hiver dans des conditions draconiennes, dans une cabane. Il fera la rencontre notamment d'un ours. Et ça, c'est tiré de la réalité. Et puis, de l'imaginaire de l'auteur, avec également un habitant, un russe, avec qui il va se prendre d'amitié. Et la musique d'Ibrahim Malouf magnifie tout à fait les grands espaces. Il y a une scène qui est magnifique, où on voit le personnage patiner sur la mer... et la mer gelée, oui. Et on entend en fond sonore cette musique, et ça nous transporte, voilà. Eh bien, on a envie d'être transporté en Sibérie, et puis on va passer justement en Red and Black Light, et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. Et vous êtes de retour sur Radio Guémozo 107 FM dans l'émission L'heure des loups qui touche tout doucement à sa fin. C'était Red and Black Light de Ibrahim Malouf. Vous aviez dit que c'est la musique d'un film inspiré d'un auteur. On est quand même allé vérifier pendant la pause musicale. Donc c'est un roman tiré du fils de Philippe Tesson, Sylvain Tesson, c'est bien ça ? C'est ça. Comme ça on a d'équerre. Voilà, on a toutes les informations pour nos auditeurs que ça intéresse très très certainement hein. Après alors, tout si vous avez l'occasion de voir ce film soit en DVD soit à la télévision, je vous le recommande. Parce que si vous aimez les grands espaces et la nature, c'est vraiment magnifique. C'est un peu à la Into the Wild, non ? Oui, pensez à ça. Et puis bon, Raphaël Bersonnaz ne manque pas de charme, donc ça ne gâte rien. Ah ben, on a très très envie de voir dans ce cas le film. Donc vous aviez dit, c'est quoi le titre du film déjà ? La forêt, dans la forêt de Sibérie. Ah, dans la forêt de Sibérie. D'ailleurs, ça tombe bien, hein, on vient d'avoir le froid glacial de Sibérie qui est parti. On est content que le temps se radoucisse. Ah. Mais on va retourner à nos moutons, ou plutôt à nos racines. Hein, parce que l'heure tourne. Donc, nous avons parlé vraiment du musée des mille et une racines. Je pense que nous l'avons présenté vraiment globalement pour que les auditeurs le connaissent et le comprennent vraiment bien. Nous avons parlé de l'exposition actuelle, donc l'exposition temporaire actuelle qui va jusqu'au 14 mai avec les photos de Sandrine Bronner, hein, des photos vraiment en noir et blanc axées sur des arbres très particuliers comme vous l'avez dit. On a aussi parlé de l'artiste qui interviendra juste après, donc un photographe qui aura photographié des animaux de la faune locale. Et c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui a envie de venir faire un tour chez vous, je pense que connaître peut-être les tarifs, ça peut être aussi une bonne chose. Oui, alors pour les plus de 16 ans, c'est 4,50 €. Pour les 10-16 ans, 2 €. Pour les moins de 10 ans, c'est gratuit. Pour les groupes, nous comptons 2 € par personne à partir de 15 personnes. Oui. Ceci étant, s'il s'agit de groupes de personnes handicapées, bien sûr, nous descendons le seuil. Donc, ça peut être 3-4 personnes. Voilà, parce que nous savons aussi que pour des personnes très lourdement handicapées, il n'est pas possible de constituer des groupes. Hein, il y a très peu de... Voilà, il faut beaucoup d'accompagnants pour peu de personnes handicapées. Bien sûr. Donc, on ne va pas attendre qu'ils soient 15 pour pouvoir les accueillir. Alors, je signale également, ça peut intéresser les auditeurs, que nous accueillons également des personnes qui viennent des EHPAD. Oui. Puisque nous sommes... notre site est tout à fait adapté aux personnes qui auraient des difficultés pour se déplacer. Oui. Donc, voilà, les personnes âgées des EHPAD sont bien évidemment les bienvenues. On peut les accueillir. Certaines sont déjà venues, la maison de retraite de Cornimont, de Saulxures. Elles étaient absolument ravies. Et puis, on accueille aussi les enfants. Et pour les enfants de la communauté de communes des Hauts-de-Vosges, les scolaires en tout cas, qui viennent avec l'école, c'est gratuit. Donc, pour les écoles qui sont du secteur, c'est gratuit. Ah, eh bien, j'imagine que ça aura vraiment convaincu nos auditeurs à venir vous faire un petit coucou au musée des Mille et Une Racines. Hélas, l'émission touche déjà à sa fin. Une heure, ça passe vite, hein, comme je le répète vraiment tous les soirs. Donc, je fais rapidement le programme de la soirée de demain matin et un vraiment très rapide récapitulatif. Ah oui, il est déjà 19 h. Hein. Faut se dépêcher. Donc, de 20 h à 22 h, il y a François qui animera le calendrier des esclavages et des libérations. Ensuite, de midi à 1 h, c'est la rediffusion de la bulle de l'IA. Demain matin, il y a de 8 h à 8 h 30 les minutes bonheur de l'IA, mais juste avant la rediffusion de l'émission que vous venez d'écouter à l'instant. Et demain soir, on va parler du carnaval vénitien de Remiremont. J'ai eu le plaisir hein, vraiment d'accueillir Élodie Derdel avec moi. Je vous remercie d'être venue. Je vous remercie de vous être exprimée pour les auditeurs de Radio Guémozo à qui on fait un gros coucou, qui nous ont écoutés jusque-là. Là. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin, en fait. Je vous remercie de votre aimable invitation et puis je dis Eh bien, visiteur qui es-tu, si tu es un ami de la nature, sois le bienvenu pour venir au musée des Mille et Une Racines. Alors c'est sur cette note qu'on va s'arrêter. Je vous souhaite une très très bonne soirée et à demain sur Radio Guémozo.